J'ai pas la vie de rêve. Bande d'enculé, va. J'ai pas la vie de rêve, hein. J'ai pas la vie de rêve. Dis-aux qui stressent, qui baissent leur froc et dis-leur qu'ils stressent. J'en fous dans le zen, c'est l'heure qu'il neige. Je baisse l'état vite fait, toujours de la vitesse. T'entends les clics bang, je vois grand-maman s'appellera Big Ben. Et connard avance, je vais pas dans la dentelle. Je la fous dans la dent, t'as pas capté. Prends ma bite, ça te servira d'antenne. À part siffler, pour prévenir qu'à les j'tard. J'suis toujours pour le PSG, c'est nous les plus speed dans les stats. Les petits PD, on prend ton corps, on s'en sert de bouclier. On voit l'avenir avec beaucoup de billets. Je veux finir comme Maxwell chez FIF. Pète la nounou de l'enfer, mais avoir nounou d'enfer avec les fesses très lisses. Appelle la police, dis-leur que je les pèse. Mais non, pas comme toi, je les baisse, t'es con, je les baisse vraiment. Arrête de chialer, sans pas chaud, car tu portes une arme. T'es qu'une merde, à croire ta mère. T'as accouché lors d'une chère, tes copines. J'ai pas le time, arrête de whizzer. Je dois faire le bise, je te dis direct, Paison. Ils ont pas de bisous, ouais, ouais. À tes mots, je suis pas un mister, moi. Toujours le mystère, pour ça que tu me crains, hein. Petite chaîne, je roulerai jamais en bolide. Tant que les miens seront pas en Boeing, bourrique, boycott, j't'encule, j'suis pas un poète, toujours mon bouic. La même puce cramée, les mêmes bruits. Quand on m'appelle, sûrement ma parano, j'appelle en mode Halloween. Halloween, allô, quelqu'un allô, m'entend, j'dis pas y'a fouille. J'dis y'a de la bonne, de la peu ou de la oui. J'suis entouré de rats, et j'ai pas mis de dentier sous mon coussin. 2010, c'est quoi les bails? C'est j'paye mon grec si tu me passes un poutin. Et si tu kiffes pas la sauce, t'auras la mienne après. Ça se prend pour une Diana Jones, les sœurs elles kiffent la scène. Pétasse, pédale, ta gueule, ou j't'enlève tes peu ça. Tu repartiras à poil, la vie m'a changé. Un vrai lézard, j'suis Jarod, j'suis Léon, un mélange des deux. J'suis le premier personne, vu que personne n'a peur de personne. Wesh, ça tape fort à la porte, saute par la fenêtre. J'suis pas d'accord pour qu'on m'arrête, c'est pas la fête. Au passage, hommage à Fleury, où la santé freine. Et autant dire aussi à Clairvaux, Châteauroux, où la poissy mêle. Laisse-les, laisse-les, à tes mots, poum, désolé. J'suis esselé, esselé, bolos qui vont finir par me ficeler. Boubou, bouge de la putain. J'suis comme Boubou, j'lâche pas l'affaire. Toujours le dernier de la classe, j'ai pas besoin d'évoluer mentalement. J'suis normalement conditionné pour me défendre de ma force. Au contact, le tact, putain de tacle à la gorge. Si j'attaque direct le joueur, j'aurai plus rapidement la balle. J'aime pas l'attente, allez file, t'as rien à faire ici, hein. On sait très bien que tu regardes, si ça tape, tu vas goûter mes os, vu que t'es un chien, hein. Nous on assume à chaque choc, on voit pas la vie sans chèque. On a la vue d'un jackpot, chèque si t'es voix à l'échec. Bambino, y'a pas d'argent facile, c'est du mytho. Demande à ceux au mitard, ceux qui connaissent chaque définition du tico. Ceux qui se sont secoués la teub comme un orangina. Ceux qui avec le temps vu s'effacer chaque moment de leurs images. Je me permets de dire ta mère la pute à l'état au juge au proc. Tu pèses tes mineurs et c'est toi qui me juge gros porc. Peace, rendez-vous tous là-haut. Celui qui va te juger, voilà que tu vas le pleurer jusqu'à en te foutre la honte. Stop, j'arrête de parler petit PD. Aux frères déférés, gardez la pêche, toujours libre nous, personne peut nous sceller. Depuis tout petit à traîner dans les allées, j'aime marcher seul, je suis taré. Les mères pleurent donc les plats toujours servis salés, salés. Rends fou de voir les gars des rues à 20 ans rouler en mégane. T'as 40 ans, toujours rien gagné, tous derrière des vides teintées. Son tir c'est que t'avais des vides fumées. T'as des problèmes, on en a tous, qui va assumer. T'es dans la hesse, voilà que tu changes pas de slip tous les jours. T'es dans la hesse, connard, ton slip il sent le shit. Et les couilles, t'as gardé combien dans le même jean? Tu vas voir des meufs pour les aveugler, mais toujours le même red skin. Allez sim, contrat à mi-temps ou bien les tiges. Imbécile, on a pas de l'argent en faisant de la lessive. Tu veux t'appeler Jean-Edouane toi aussi? Tu veux baiser dans la piscine? Chut, tais-toi, y'a la douane, prends la prochaine sortie, attends ici. Et connard c'est mécanique, la piste devant l'escalier. Si t'es pressé, tu vas t'éclater, rentrer te laver. Ressortir armé, à des mots, tarteré, là où j'ai grandi. Fuck les jaloux, merci mon dieu que les miens et moi soient toujours en vie. J'ai 80 ou 100% de chance de pas vivre classique. À des mots, le mec on n'écoute jamais sans préservatif. Et au fait, nique le monde, nique les rappeurs. J'suis pas un rappeur moi, à bouler la thune, et tenez bien faux meufs. Aïe, aïe.